Le service technique qui me répond au téléphone. Donc, rien à faire. On va essayer de faire avec les moyens du bord. Voilà, j'essaierai de retéléphoner d'ici une quinzaine de minutes en espérant que la ligne est dégagée. Alors, nous en étions au compte de résultat, donc je rappelle brièvement, je vais essayer d'écrire dans la partie basse de l'écran, parce qu'en plus, la séance d'aujourd'hui est assez importante techniquement. C'est généralement lorsque la procédure que je vais expliquer aujourd'hui n'est pas comprise qu'il y a des problèmes, aussi bien aux interrogations qu'à l'examen, qu'au cours de deuxième année, parce que la base, l'enregistrement, nous avons étudié aujourd'hui, ce n'est pas la partie la plus intéressante. La partie la plus intéressante, c'est le lien entre la comptabilité et le droit des sociétés d'une part, entre la comptabilité et le droit fiscal d'autre part, et bien entendu par rapport à la gestion. Mais techniquement, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, la semaine dernière, ce que je vous avais expliqué, c'est que à partir des pièces justificatives, généralement, on enregistre dans deux livres, un livre journal et un grand livre. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et ensuite, en transit par une étape d'inventaire et de travaux de clôture. Et ensuite, on sort des comptes annuels dont la publication est obligatoire et qui sont le bilan, le compte de résultat et l'annexe. Ces comptes annuels sont publiés auprès de la Banque nationale de Belgique afin que tout un chacun qui est intéressé par une comptabilité d'une entreprise puisse se les procurer. Donc, j'avais dit que la comptabilité qui est à notre programme est une comptabilité d'information de tiers. Lorsque vous êtes fournisseur, lorsque vous êtes banquier, lorsque vous êtes membre du personnel, vous avez parfaitement le droit de savoir si l'entreprise à laquelle vous avez affaire est solvable, qu'elle peut continuer à fonctionner normalement et que vous ne risquez pas de perdre vos sous dans cette entreprise. Et donc, on avait commencé à analyser le bilan. Et on va poursuivre aujourd'hui avec le compte de résultat. Le prétexte de ce que je fais fin de la semaine dernière et au début de cette séance, c'est simplement pour vous amener à bien distinguer dans le bilan ce qui est actif et passif. Je vais rappeler directement ce qu'il en est. Et c'est ceci, évidemment, par rapport au bilan. Et dans le compte de résultat, on va essayer de distinguer les charges et les produits. Et c'est le travail de Nana. Donc, vis-à-vis du bilan, petite synthèse, on avait dit que le passif du bilan explique l'origine des ressources et l'actif, l'emploi des ressources. Donc chaque fois que vous avez un élément de type dette, de type capital, nous sommes du côté de l'origine des ressources. Lorsque vous avez un actif de type bâtiment, terrain, créance, avoir en banque, dans utilisation des ressources, nous sommes du côté de l'actif. D'accord ? Donc je rappelle que quand on fait un bilan, vous avez à droite l'origine des ressources et à gauche l'emploi des ressources. Et c'est ce que nous essayons de comprendre à travers les quelques exemples que j'avais pris et je continue en. Allons-y. Donc, la semaine dernière, nous nous avions un bilan dans lequel les capitaux propres étaient de 125 000. Et puis nous avions des dettes long terme, dettes court terme. Dans les dettes court terme, il y a des dettes court terme bancaires et des dettes court terme commerciales fournisseurs. Et le passif du bilan explique en quelque sorte d'où viennent les ressources de 168 750. Du côté de l'actif, nous allons avoir l'utilisation, l'explication de l'utilisation de ces 168 750. Et on sait qu'on a un immeuble, des machines, du mobilier de bureau, des véhicules et des avoirs. Et l'opération, les deux opérations que nous avions prises pour terminer la séance de la semaine dernière, c'était celle-ci. On achète des marchandises pour 1250 et on les revend pour 1750. Alors, quel est l'impact de ces deux opérations sur le bilan que nous avons fait? Vous avez d'une part acheté pour 1250, mais les marchandises que vous avez achetées pour 1250, vous ne les avez déjà plus. Elles sont sorties de l'entreprise. Et en échange, vous avez une créance de 1750. Donc, si on regarde l'impact sur le bilan, vous avez en quelque sorte une créance de 1750, puisque vous avez vendu un client pour 1750, et vous avez une dette qui a augmenté de 1250. Nous avons un déséquilibre que nous allons enlever, que nous allons redresser, et on se retrouve avec des capitaux propres de 125 000. En réalité, si vous avez voulu complètement, détruire cette séance, ils ne pouvaient pas trouver mieux, soit c'est par le micro, soit c'est par le rétroprojecteur. Donc, c'est pile poil. En réalité, même si les techniciens venaient maintenant, il leur faudrait probablement une heure pour déplacer ceci. Donc, voilà. Donc, je vais essayer. Je vais aller vite sur ceci, et puis je vais prendre des écrans blancs et je vais écrire en dessous de manière à ce que vous puissiez visualiser qu'on a fait. Donc, l'impact de cette opération, c'est que les capitaux propres ont augmenté de 500. Pourquoi de 500? C'est parce que vous avez acheté à 1250 ce que vous avez vendu à 1750. Vous avez donc fait, pour la première fois depuis qu'on a commencé cet exercice, vous avez fait un bénéfice de 500. Ça ne veut pas dire que vous avez perçu cet argent, parce que les fournisseurs qui vous ont vendu pour 1250, vous ne les avez pas encore payés. Et les clients à qui vous avez vendu pour 1750, ils ne vous ont pas encore payés. Et ceci vous montre que vis-à-vis de la comptabilité et de la fiscalité, ce n'est pas parce que vous avez perçu de l'argent ou parce que vous avez décaissé de l'argent que vous vous enrichissez ou que vous vous appauvrissez, c'est simplement parce que vous avez réalisé un bénéfice comptable. Vous êtes enrichi de 500, même si vous ne les avez pas perçus. D'accord ? Vous ne pouvez pas, par exemple, dire à l'administration fiscale « Je n'ai pas de bénéfice parce que je n'ai pas encore perçu les 1750 qui ont été réalisés comme vente. » Elle va vous dire « Mais vous n'avez pas non plus décaissé les 1250 que vous avez acheté. » Donc, cette opération n'implique pas encore de sortie d'argent, cette opération n'implique pas encore de rentrée d'argent. Néanmoins, comptablement et fiscalement, il y a un bénéfice de 500 euros. D'accord ? C'est extrêmement important. Maintenant, l'opération suivante, que nous avions vue aussi la semaine dernière, heureusement d'ailleurs, va consister à encaisser les 1750 de notre client et à payer 750 sur 1250 au fournisseur. Donc il va y avoir une rentrée d'argent de 1750. Donc on va avoir en trésorerie plus 1750 et en trésorerie moins 750. Eh bien, cette opération de flux financier de plus 1750 et de moins 750, elle ne change rien à votre bénéfice. Elle ne va ni vous enrichir, ni vous apporter. Si vous faites une analyse financière, il vous reste 1000 sur cette opération. Mais vis-à-vis de la comptabilité ou de la fiscalité, vous allez voir, on va encaisser la créance, on va recouvrir la créance et on va payer une partie de la dette, eh bien, notre bénéfice est toujours de 500 suite à l'opération précédente. Donc, l'impact de cette opération qui consiste à encaisser le produit de la vente, c'est-à-dire 1750, et à décaisser 750, va simplement modifier la créance client. Donc le compte client diminue, il passe de 1750 à 0. Et le compte fournisseur, il diminue. Il était de 13 750, il passe à 13 000. Si vous examinez les capitaux propres, eh bien, les capitaux propres sont de 125 500, c'est-à-dire que cette opération n'a rien changé à ses capitaux propres. Et enfin, les deux dernières opérations vont consister à payer 150 de téléphone et 200 euros d'intérêt. Donc, du compte banque, on va sortir 150 pour payer la compagnie de téléphone et on va sortir 200 euros pour payer les intérêts à la banque. Alors, ce qui est important, c'est de savoir que le téléphone que vous payez pour 150 euros, c'est un service. Ce n'est pas un standard, ce n'est pas un GSM, ce n'est pas un système que vous allez garder pendant des années. C'est des communications que vous avez consommées et qui ne sont plus nulle part, elles ne figurent pas à l'actif du bilan, parce que c'est déjà parti en fumée. C'est comme si vous payez du personnel. C'est des charges. Même chose pour les intérêts. Vous avez payé 200 euros d'intérêt à la banque qui vous a prêté de l'argent. Eh bien, qu'est-ce que les intérêts? Si ce n'est le loyer de l'argent, le loyer d'un emprunt que vous avez contracté. Et là aussi, c'est un service. Donc, en réalité, on va payer 350 euros et nous n'allons rien avoir en échange. Ce que nous allons avoir en échange, c'est un service que nous avons déjà consommé. Donc, on va avoir une sortie d'argent de 350 euros et rien en contrepartie. Et donc, on va de nouveau s'appauvrir. Donc ici, tout à l'heure, nous avions fait un bénéfice de 500 parce que ce que nous avons vendu à 1750, ça ne nous a coûté que 1250. Et bien, cette fois-ci, nous allons faire une perte de 350 parce que nous allons payer 350 mais nous n'allons rien avoir de concret en échange. on va avoir des consommations qui sont déjà parties en fumée. Et comme c'est une perte, on va prendre l'habitude, évidemment, de mettre soit un signe au moins, soit de mettre le montant entre parenthèses. Et donc, si je veux maintenant présenter un bilan, on va avoir un déséquilibre, fatalement, puisque nous avons une sortie de 350 euros sans rien en contrepartie. Vous voyez, le compte banque est passé de 9000 à 8650 et il n'y a rien à l'actif en échange de ces 350. C'est comme si les 350 s'étaient évaporés. Donc c'est une charge du passé. Donc, si on veut rétablir l'équilibre, nous allons avoir des capitaux propres, cette fois-ci, de 125 150. Donc tout à l'heure, on avait 120 000. Avec le bénéfice, on est passé à 125 000. On est passé à 125 500. Donc 125 500, on avait démarré avec 125 000. Voilà. Donc 125 500, et maintenant que nous avons consommé le téléphone et les intérêts, on descend à 125 150. Donc, diminution des capitaux propres. Et si on veut réellement présenter un bilan correct, on va séparer les capitaux propres en capital de départ et en résultats qui sont cumulés. Donc en fait, je vais faire apparaître dans mes capitaux propres qui sont de 125 150, je vais distinguer le capital souscrit de 125 000 et le bénéfice de 150. Et les 150, c'est en réalité 500 de bénéfice parce que nous avons vendu à 1750 quelque chose que nous avons acheté à 1250 et la perte de 350 sur le téléphone et les intérêts. Voilà, donc nous avons un bénéfice de 150 que j'indique en vert séparément du capital. Donc les actionnaires ont apporté 125 000. Et sur l'espace d'un exercice, l'entreprise a réalisé un bénéfice comptable de 150. On va les indiquer séparément. Lorsque vous avez une perte, vous l'indiquez à droite avec un signe moins et j'expliquerai pourquoi. Donc, je reviens en arrière. Si vous comparez ce bilan avec le premier bilan avec lequel j'avais commencé cet exercice la semaine dernière, on s'aperçoit qu'il y a un bénéfice de 150. Comment sommes-nous arrivés à ce bénéfice de 150? Mathématiquement, nous avons évidemment les 500 de bénéfice et les 350 de perte. Plus exactement, je vais détailler les 500. Voilà, plus exactement, nous avons acheté des marchandises à 1250. Nous les avons revendues à 1750. Donc 1750 moins 1250 donne 500. Et puis, il y a le téléphone et les intérêts. Donc mathématiquement, on a un bénéfice de 150 euros. mais la législation comptable et la législation fiscale, le code de l'impôt sur les revenus, souhaitent que vous dressiez un tableau qui explique cela avec d'un côté les charges et de l'autre côté les produits. Donc, on va appeler les charges les éléments qui nous appauvrissent et on va appeler produits les éléments qui nous enrichissent. Attention, en comptabilité et pas en analyse financière, l'appauvrissement ne signifie pas décaissement d'argent. L'enrichissement ne signifie pas encaissement d'argent. On s'est enrichi dès qu'on a vendu à 1750 quelque chose que nous avons acheté à 1250. Et on s'est appauvri parce qu'on a payé le téléphone et les intérêts. En réalité, même si on ne les avait pas payés, on se serait quand même appauvri. C'est-à-dire que si nous sommes en février 2017 et qu'on reçoit une facture de téléphone de décembre 2016, puisque nous avons consommé le téléphone, nous nous sommes appauvris, même si nous n'avons pas encore payé la facture. Donc, les deux dernières factures nous ont appauvris parce que nous avons consommé le téléphone et les intérêts. C'est vrai qu'on les a payés, mais si on ne les avait pas payés, on se serait quand même appauvri. Et donc, on va faire un deuxième tableau. Comme on avait fait un bilan, on va faire un deuxième tableau qui s'appelle le compte de résultat, dans lequel on va mettre à gauche les charges et à droite les produits. Et c'est le compte de résultat de l'exercice. Donc on va faire un compte de résultat qui va donner la manière dont on a géré l'exercice pendant un an. D'accord ? Donc écoutez bien, puisqu'on va commencer la méthode, et je vais faire en sorte que vous ne perdiez rien à cause de ceci, même si je suis énervé au possible, parce que l'université aurait dû prendre ses dispositions pour nous informer, pour dégager ceci. Mais bon, voilà. C'est un problème que je réglerai après. Donc, pour l'instant, je vais essayer de faire en sorte que vous ne perdiez rien en compréhension. Donc, essayons de nous concentrer. Donc, les charges sont des éléments qui nous ont appauvris et les produits sont des éléments qui nous ont enrichis. Vous savez ce qu'est un bilan. Le bilan, c'est une photographie du patrimoine à un moment donné. Donc, si vous prenez par exemple le bilan d'Interfine ou le bilan de Caterpillar, au 31 décembre 2016, vous allez avoir la photographie du patrimoine au 31 décembre à minuit. Le bilan va vous dire, voilà l'origine des ressources, c'est le passif, et voilà l'emploi des ressources, c'est l'actif. En revanche, le compte de résultat que nous allons faire, il est aussi établi au 31 décembre, mais c'est un film uniquement pour les 12 mois. Il va nous donner des charges du 1er janvier au 31 décembre et les produits du 1er janvier au 31 décembre. Ce qui veut dire que si le bilan est une photographie au 31-12, le compte de résultat est un film sur les 12 mois, puisque c'est les charges de 12 mois et les produits de 12 mois. Donc en fait, on peut dire que le bilan, c'est comme si vous preniez une photographie du patrimoine à un instantané au 31 du 12 à minuit, tandis que le compte de résultat, c'est comme si vous aviez un film qui retrace la vie de l'entreprise entre le 1er janvier et le 31 décembre, donc on parle de charges périodiques, c'est les charges de 12 mois, et les produits périodiques, c'est les produits de 12 mois. Et quand on fait un compte de résultat, on peut dire que c'est un compte de résultat dressé au 31 décembre, mais on peut dire que c'est un compte de résultat de l'exercice 2016, parce que c'est du 1er janvier au 31 décembre. Si vous ne dressez pas, si vous n'établissez pas un compte de résultat, il est impossible de déterminer si vous avez un bénéfice ou une perte. Donc l'administration fiscale est très intéressée, particulièrement par ce document. Parce que ce document va donner la différence entre les produits et les charges, c'est-à-dire va indiquer si vous avez un bénéfice ou une perte. Bien entendu, il y aura encore une petite transformation entre le résultat comptable et le résultat fiscal, mais si vous êtes en bénéfice fiscal, vous allez payer à l'État quelque chose comme 34% d'impôt des sociétés. Donc le compte de résultat intéresse très très fort l'administration fiscale, il intéresse les actionnaires, parce que les actionnaires vont se faire rémunérer les actions qu'ils ont apportées avec les dividendes. Et qu'est-ce que les dividendes ? C'est un morceau du bénéfice après impôt. Une fois que vous avez payé l'impôt à l'État, ce qui reste s'appelle le bénéfice net, et on prend une partie de ce bénéfice net pour rémunérer les actionnaires. C'est ce qu'on appelle les dividendes. Et le reste, vous le mettez en réserve ou en bénéfice reporté. Donc, on va faire un compte de résultat. Le voilà, le compte de résultat. On va mettre les charges à gauche et les produits à droite. Et il se présente comme ceci. Nous avons les produits qui nous ont enrichi de 1750. Donc attention, il ne s'agit pas de recettes. Il s'agit de produits. Si vous étiez en comptabilité simplifiée de personnes physiques ou de toute petite ASBL, vous feriez un compte de dépenses et de recettes. Vous feriez uniquement apparaître à droite ce que vous avez encaissé et vous feriez uniquement apparaître à gauche ce que vous avez décaissé. Mais ce n'est pas un compte de dépenses et de recettes qu'on fait, c'est un compte de résultats. Et un compte de résultats, c'est en charge et produit. Ça veut dire que vous mettez tous les produits que vous avez réalisés, indépendamment de leur encaissement. On a réalisé des produits de 1750, on a fait des ventes, on a fait un chiffre d'affaires de 1750, et on a consommé des charges pour 1600, 1250 d'achat de marchandises, 150 de téléphone et 200 d'intérêt. Et vous voyez que c'est indépendamment du décaissement, puisque précisément, les achats de 1250 n'ont pas été entièrement payés. En revanche, le téléphone et les intérêts sont payés. Nous avons donc des charges 1600 et nous avons des produits de 1750. Et donc nous avons un bénéfice de 150. Donc en fait, le compte de résultat, il explique le résultat qui est au bilan. Donc si vous prenez un bilan fin 2015 et un bilan fin 2016, si vous avez un bénéfice ou si vous avez une perte, vous avez besoin du compte de résultat pour expliquer comment vous êtes arrivé à cette perte. Donc le compte de résultat est un sous-compte du bilan. C'est un sous-compte qui explique l'enrichissement ou l'appauvrissement. D'accord ? Donc, en synthèse, nous savons à peu près comment se présente un bilan. Nous avons à droite l'origine des ressources. Alors, quelles ressources pouvons-nous trouver au passif du bilan ? Eh bien, il y a le capital souscrit qui a été apporté par les actionnaires. Donc si on crée ensemble une société anonyme, gens sont en panne, eh bien, s'il y a un capital, par exemple, de 5 millions, et que chacun apporte une action, par exemple, de 1 000 euros, eh bien, le capital sera à droite. C'est l'explication d'une partie des ressources. Imaginons que notre entreprise ait réalisé un bénéfice de 1 million. Et a accumulé des réserves de, par exemple, 2 millions. Cela signifie que nous avons des capitaux propres de 8 millions. Nous sommes d'accord. Donc, les capitaux propres, c'est le capital qui a été apporté par les actionnaires. On appelle cela le capital souscrit. Parfois, on l'appelle le capital social vis-à-vis des juristes. Le bénéfice de l'exercice, il est de 1 million. Et puis, on a accumulé des réserves disponibles ou légales. On verra quelles sont les distinctions de 2 millions. Imaginons qu'une entreprise ait emprunté auprès des banques par exemple, 1 million, eh bien, en dessous des capitaux propres, parce que n'oubliez pas que nous avons le critère d'exigibilité qui détermine l'ordre dans lequel nous disposons les passifs. Donc, on va disposer nos éléments du passif par ordre d'exigibilité croissante, c'est-à-dire les dettes les plus exigibles, on les met tout en bas du passif. Et les capitaux propres, c'est les dettes de la société vis-à-vis des actionnaires, c'est ce qui est tout en haut. Donc, après les capitaux propres, on a mis les dettes financières à plus d'un an, c'est les longs termes, et puis maintenant on va mettre les dettes court terme. Imaginons que nous ayons des dettes court terme de 1 million. Alors, ces dettes court terme de 1 million, il peut y avoir là-dedans des dettes vis-à-vis des fournisseurs, c'est des dettes commerciales. Donc, essayez de faire attention au langage financier parce que il y a un bagage financier à accumuler dans ce cours en vue d'aborder les autres cours que vous avez par ailleurs. Donc, on aura sans doute des dettes commerciales. Des dettes salariales. Des dettes sociales. Des dettes fiscales. Et même des dettes financières. Donc, les dettes court terme peuvent être de 5 catégories. En dehors des dettes long terme. En fait, les dettes long terme, c'est à plus d'un an. C'est généralement des dettes financières, généralement. Et puis, vous avez les dettes court terme, qui peuvent aussi être financières. C'est des dettes que vous avez auprès des banques. Les dettes commerciales, c'est des dettes que vous avez auprès des fournisseurs. Les dettes salariales, c'est les dettes que vous avez auprès des employés. Les dettes sociales, c'est les dettes auprès de l'ONSS et les dettes fiscales, c'est auprès de l'administration fiscale. Impôts des sociétés ou TVA. Donc, 5 catégories de dettes court terme. C'est ce qu'on trouve généralement au passif du bilan. Qu'est-ce qu'on trouve du côté de l'actif du bilan? D'accord? Donc, je fais en même temps une synthèse pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière. Donc, du côté de l'actif, on a généralement les actifs immobilisés et on a les actifs circulants. Parce que, à l'actif, nous l'avons vu la semaine dernière, il y a le critère de liquidité. Ça veut dire que au plus on descend, au plus les éléments sont disponibles, on va du plus immobilisé ou du moins liquide vers le moins immobilisé ou le plus liquide. Donc, on commence par les actifs immobilisés, qu'on appelle d'ailleurs en finance les actifs fixes. Et puis en dessous, nous avons les actifs circulants. Alors, qu'est-ce que nous avons dans les actifs fixes ou dans les actifs immobilisés? Eh bien, il y a les terrains, il y a les bâtiments, il y a les machines, le mobilier, le matériel. Donc, tous les actifs, tous les biens que l'entreprise a acheté ou a construit et qu'elle va garder pendant au moins un an. Et c'est la raison pour laquelle on les appelle les actifs immobilisés ou actifs fixes. C'est les outils avec lesquels on travaille. Donc c'est les terrains, les bâtiments, les machines, le mobilier, etc. On les appelle donc les actifs immobilisés. Et puis en dessous, nous avons les actifs circulants, principalement les stocks, les créances sur les clients et les valeurs disponibles. Donc les actifs circulants sont principalement trois sortes d'actifs, les actifs que sont les stocks de marchandises, matières premières, les créances que vous avez sur les clients et l'argent que vous avez en banque. D'accord ? Donc ça, c'est le bilan. Et puis, nous avons le compte de résultat. Et pour qu'on comprenne le compte de résultat, vous devez évidemment considérer que l'entreprise est au milieu, qu'elle vend à ses clients et qu'elle achète à ses fournisseurs. Donc, chaque fois que vous faites des ventes, on dit que vous réalisez un chiffre d'affaires auprès des clients. On dit que vous avez une créance sur les clients tant qu'ils ne vous ont pas payé. Donc si vous vendez à quelqu'un qui ne vous a pas encore payé, vous avez une créance sur lui. Et donc, il s'agit de voir à quel moment vous allez récupérer cette créance. On parle de recouvrer une créance, recouvrement d'une créance. De l'autre côté, vous avez acheté à des fournisseurs, et tant que vous n'avez pas payé ces fournisseurs, vous avez contre eux ou vis-à-vis d'eux des dettes. Donc l'entreprise a des dettes vis-à-vis de ses fournisseurs, des dettes commerciales contre ses fournisseurs, et elle a des créances sur ses clients. Comment se présente le compte de résultat? Eh bien, comme on vient de le voir, le compte de résultat, nous pouvons le présenter pour l'instant sous forme de tableau vertical, même si le format a changé. Et à droite, on va mettre les produits. À gauche, on va mettre les charges. Qu'est-ce que nous avons comme charge? Il y a les charges d'exploitation. Et comme produit, nous avons les produits d'exploitation. C'est les principaux éléments du compte de résultat. Donc, si on fait des ventes, c'est un produit d'exploitation. C'est le principal produit d'exploitation. C'est les ventes ou le chiffre d'affaires. On peut considérer que les deux termes sont quasi synonymes. Vous faites des ventes ou vous réalisez un chiffre d'affaires, c'est quasi la même chose. Il y a une nuance de remise, ristourne et rabais accordé. Le chiffre d'affaires fait partie des ventes. C'est le principal produit d'exploitation. Il peut y avoir des subsides d'exploitation aussi. C'est aussi des produits d'exploitation. Si vous êtes une ASBL, vous allez recevoir des subsides d'exploitation. C'est aussi des produits. Et qu'est-ce que vous avez comme charge d'exploitation? Eh bien, il y a les approvisionnements. Donc, tout ce que vous achetez comme marchandises, comme fournitures, comme matière première, on appelle ça les approvisionnements. Et puis, il y a les frais généraux qu'on met dans un compte qui s'appelle services et biens divers. Services et biens divers, donc c'est les frais généraux, c'est notamment les frais de transport, les frais de restaurant, les frais d'électricité, de gaz, de chauffage, les honoraires payés à des externes. C'est un poste dans lequel l'administration fiscale trouve toujours des choses à redresser, services et biens divers. Et puis nous avons un autre poste qui est très important, qui porte sur les charges salariales et sociales. Charges salariales et sociales, c'est les traitements que vous payez à votre personnel en salaire et en charges OLSS. Et puis il y a un autre poste qui s'appelle les dotations aux amortissements et réductions de base. Donc, je vais simplement mettre amortissement et réduction de valeur. C'est les principales charges d'exploitation. La différence entre les produits d'exploitation et les charges d'exploitation va nous donner un résultat d'exploitation qui va être un bénéfice d'exploitation ou une perte d'exploitation. Donc, si les produits sont supérieurs aux charges, vous êtes en bénéfice d'exploitation. Si les charges sont supérieures aux produits, vous êtes en perte d'exploitation. Attention, même si ce compte de résultat est dressé au 31/12/2016, c'est en réalité les charges et les produits de tout l'exercice 2016. C'est un film, c'est vraiment important de savoir que le bilan, c'est une photographie, un état du patrimoine à un moment précis, tandis que le compte de résultat, c'est une cassette vidéo, si je puis dire, qui appartient à l'exercice. En 2017, on redémarre l'année avec de nouvelles charges, de nouveaux produits. Et donc, chaque exercice a son compte de résultat. Donc, le premier niveau du compte de résultat renseigne sur la manière dont vous l'avez géré. Charge d'exploitation, produit d'exploitation. Le deuxième niveau du compte de résultat va nous renseigner sur les charges financières et les produits financiers. Alors, qu'est-ce que ce deuxième niveau qui est moins important que le premier niveau? Eh bien, qu'est-ce que les charges financières? Eh bien, en tant que personne physique ou morale, si vous empruntez 100 auprès d'une banque à du 2%, vous allez chaque année payer 2 d'intérêt. C'est les charges financières. Si vous payez des frais pour l'ouverture de votre compte en banque, puisque en plus vous avez de comptes bancaires, en plus vous payez de frais à l'institution. Il se peut même que certaines banques vous ouvrent gratuitement des comptes pendant 2 mois, 3 mois, parce qu'après vous allez payer. Donc, en plus vous avez de comptes, en plus vous payez des frais. Eh bien, ces frais font partie aussi des charges financières. Les agios qu'on paye aux banques font partie aussi des charges financières. Donc les charges financières, c'est ce que vous payez généralement à des banques sur base d'emprunt, de gestion de compte, etc. Et puis vous avez les produits financiers. Qu'est-ce que les produits financiers ? C'est ce que vous gagnez si vous avez des placements de trésor. Donc si à l'actif du bilan, vous avez des comptes de dépôt, si vous avez des participations dans des filiales, les intérêts que vous gagnez ou les dividendes que vous gagnez, on les appelle les produits financiers. D'accord ? Donc les intérêts, les frais bancaires, ici les intérêts créditeurs, les dividendes. Par différence entre ces produits financiers et ces charges financières, nous allons avoir un résultat financier, un bénéfice financier ou une perte financière. Donc on peut calculer, si on veut, un résultat financier avec le deuxième niveau. Mais c'est moins important que le premier niveau. Sauf dans certaines sociétés, comme AB Uber, assez rapidement d'ailleurs, comme je sais que vous êtes consommateur de bière, figurez-vous que, comme je m'occupe de l'audit de l'université, je me suis aperçu que les cercles de l'université libre de Bruxelles constituent quasi le premier consommateur de bière auprès de AB Uber. C'est incroyable! On n'a jamais. Donc, c'est un client énorme auprès de la société AB Uber en termes de consommation de bière. Et donc, si on examine les comptes de cette société, vous allez voir que c'est une multinationale. Donc c'est l'ancienne Stella Artois de l'œuvre qui s'est agrandie, qui est devenue maintenant un groupe gigantesque international. Et figurez-vous que AB InBev gère surtout les participations dans des filiales. C'est devenu une espèce de holding financière qui gère les participations dans des filiales. Et les dividendes que reçoit AB InBev de ses participations sont supérieurs à ce qu'elle vend en bière. Donc elle vend beaucoup de bière, mais ce n'est pas l'essentiel de son activité. L'essentiel de son activité, et vous le verrez quand on va examiner les comptes de cette société, l'essentiel de son activité, c'est la gestion de participation dans d'autres entreprises, participation qui lui rapporte des dividendes, si bien que pour certaines sociétés comme AB InBev, ce deuxième niveau est presque plus important que le premier niveau. C'est un bilan intéressant, on va l'examiner ensemble. Il est en millions d'euros payés. Alors, pour terminer mon raisonnement, il y a un troisième niveau qu'on appelle les charges et les produits exceptionnels. Qu'est-ce qu'une charge exceptionnelle ? Qu'est-ce qu'un produit exceptionnel ? Donc pour l'instant, j'ai parlé de charges d'exploitation et de charges financières. Je parlais de produits d'exploitation et de produits financiers. Eh bien, qu'est-ce qu'une charge exceptionnelle ? Qu'est-ce qu'un produit exceptionnel ? Une charge exceptionnelle, c'est par exemple un PV. Vous roulez et vous tapez un PV, c'est une charge exceptionnelle. Ça ne relève pas de l'exploitation, ça n'est pas un élément financier, c'est une amende. Vous avez un véhicule qui vaut 40 000 et vous le vendez 30 000. Vous perdez 10 000. On appelle ça une moins-value sur réalisation d'actifs immobilisés. C'est une charge exceptionnelle. Ou bien vous avez un camion qui fait un accident, vous le déclassez, c'est un amortissement exceptionnel. Donc, ce que j'essaie simplement de vous expliquer, c'est que le troisième niveau qu'on appelle des charges exceptionnelles, c'est des charges ponctuelles qui ne relèvent pas de l'exploitation courante de l'entreprise. Ça n'a pas non plus un caractère financier, on appelle cela des charges exceptionnelles. Charges exceptionnelles. Et puis nous avons les produits exceptionnels. Par exemple, vous avez un terrain qui vaut 1 million et vous l'avez vendu pour 3 millions. Vous avez fait une plus-value ponctuelle, une plus-value sur réalisation de 2 millions. Ça n'a rien à voir avec l'exploitation courante de l'entreprise et ça n'a pas non plus un caractère financier. Vous avez fait une plus-value de 2 millions, c'est un produit exceptionnel. Eh bien, à partir du 1er janvier 2016, il y a une modification de la législation le 18 décembre 2015, applicable à partir du 1er janvier 2016. Donc à partir du 1er janvier 2016, le format du compte de résultat a changé. Le législateur ne veut plus qu'on fasse apparaître un troisième niveau de résultat exceptionnel. Il recommande que désormais, ces charges exceptionnelles remontent et apparaissent là ou là. On les appellera les charges d'exploitation ponctuelles, non récurrentes, ou les charges financières non récurrentes. De même, les produits exceptionnels, le législateur ne les conserve pas dans un troisième niveau. Il vous demande de les remonter, soit à l'intérieur des produits exceptionnels, et on va les appeler les produits d'exploitation non récurrents, ou dans les produits financiers, et on va les appeler les produits financiers non récurrents. Donc en fait, au lieu d'avoir trois catégories, nous n'avons plus que deux catégories, mais à l'intérieur des charges et des produits d'exploitation, il y a une sous-catégorie qui provient des éléments exceptionnels. Et à l'intérieur des charges et des produits financiers, il y a une sous-catégorie qui provient de l'exceptionnel. Donc, nous aurons un compte de résultat comme ceci. Charges d'exploitation, produits d'exploitation. Charges financières, produits financiers. Et depuis janvier 2016, cette partie est supprimée. Et elle doit apparaître soit ici, soit là. Ici, ça remonte ici, ou là. Et ça va s'appeler charge d'exploitation non récurrente, ou charge financière non récurrente, produit d'exploitation non récurrent, produit financier non récurrent. Et donc, il n'y a plus ce troisième niveau de charge et de produit. Exceptionnel. Bien. Je démarre l'enregistrement. Alors, je vous demande juste d'écouter, de regarder, parce qu'il faut que vous saisissiez cette procédure en quelques minutes, et ensuite, on fera un petit exercice qui vous permettra de la comprendre. Si vous avez compris ce que je vais raconter dans les 15 minutes qui viennent, mais sur base de ce que j'ai expliqué jusque-là, vous allez être sur du velours, je dirais, pour un cours de comptabilité, et ça nous permettra d'aborder des choses beaucoup plus intéressantes. Mais techniquement, la règle est la suivante. Donc, comment organise-t-on la comptabilité dans les entreprises? Donc, c'est là où on va apprendre les bonnes pratiques, les bonnes méthodes d'enregistrement sur des logiciels. Donc, si demain on vous montre les écritures dans une entreprise, vous serez à même de les comprendre. C'est directement aligné sur l'art pratique. Comment organise-t-on la comptabilité? Comment enregistrer les opérations dans les livres de la compagnie? Alors, dans une première étape, je vais reprendre l'exemple que nous avons étudié jusque-là, fin de la séance de la semaine dernière et début de cette séance. Je vais reprendre le bilan de départ, qui est celui-ci. L'essentiel va se faire au-dessus. Et donc, le bilan avec lequel on avait commencé la semaine dernière et que nous avons trituré dans tous les sens, c'est celui-ci. On avait un petit bilan de départ avec un capital de 125 000, des dettes bancaires de 31 250, et de l'autre côté, on avait un immeuble pour 125 000, un véhicule pour 18 750 et des avoirs pour 12 500. Si quelqu'un vous donne cette information début 2007 et vous demande d'enregistrer les livres, vous allez ouvrir les livres comme ceci. Nous avons trois comptes à l'actif et deux comptes au passif parce que nous n'avons qu'un petit bilan. Eh bien, on va ouvrir trois comptes à l'actif et deux comptes au passif. D'accord ? Donc, je vous ai contenté. Je les représente techniquement sous forme de petite potence. Et c'est comme cela que fonctionne la comptabilité générale de manière internationale. Alors, tous les pays du monde, on peut la comprendre de la même manière. On ouvre des comptes en T. Et ce qu'on va mettre à gauche, on va l'appeler débit. Ce qu'on va mettre à droite, on l'appelle crédit. Aussi bien pour les trois comptes de l'actif que pour les deux comptes de passif, débit à gauche, crédit à droite. Il ne faut pas que le mot crédit ou le mot débit évoque le sens qu'ils ont dans le langage de tous les jours. À la limite, débit devrait juste signifier gauche et crédit droite. Bien. Qu'est-ce que nous allons faire avec ces trois comptes de l'actif et ces deux comptes de passif? Eh bien, si nous avons ouvert trois comptes à gauche et deux comptes à droite, c'est pour pouvoir accueillir l'information qui se trouve au bilan de départ. Donc, on va ouvrir le premier pour l'immeuble, le deuxième pour véhicule, le troisième pour banque. Ici, le premier pour capital et le deuxième pour dette. D'accord ? Comme ceci. Immeuble, véhicule, banque. Et de l'autre côté, capital et des banques. Parce que c'est un petit bilan. Si on avait un bilan d'AB InBev, on aurait 10 comptes à l'actif et 10 comptes au passif. Eh bien, on ouvrirait 10 comptes du côté gauche et 10 comptes à droite. Ici, nous n'avons que 3 et 2 comptes. Alors, quelle est la pratique d'enregistrement des opérations? Eh bien, c'est simple. Ce que vous avez à gauche du bilan, donc à l'actif, vous allez le ramener à gauche des comptes, c'est-à-dire au débit. Et ce que nous avons à droite du bilan, c'est-à-dire au passif, nous allons le ramener à droite des comptes, c'est-à-dire au crédit. Donc, gauche, gauche, droite, droite. Comme ceci. En débit immeuble, de 125 000. En débit véhicule, de 18 750. En débit le compte banque, de 12 500. En crédit de compte capital de 125 000 et en crédit des dettes bancaires de 31 250. On peut mettre un petit zéro pour indiquer que c'est l'opération d'ouverture. Attention, le petit zéro, on le met à l'extérieur. Donc la première interrogation porte sur ça. Donc, les comptes avec lesquels vous avez ouvert les comptes de l'actif vont porter ce petit zéro à gauche et ceux du passif par lesquels vous avez crédité les comptes, eh bien, ils portent le zéro à l'extérieur. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons débité les comptes de l'actif pour les ouvrir et nous avons crédité les comptes de passif pour les ouvrir. D'accord? Mais ceci, c'est une opération du 1er janvier ou du 2 janvier 2016. Mais qu'allez-vous faire après, pendant tout l'exercice 2016? parce que vous allez acheter peut-être un ordinateur, peut-être un véhicule, peut-être un immeuble, peut-être un terrain. Il faudra payer. Vous allez avoir des dettes et puis vous allez aussi payer des salaires, vous allez payer des intérêts. Donc il va falloir mouvementer les comptes. Comment mouvementer d'abord les comptes du bilan? Ensuite, on verra comment mouvementer les comptes du résultat de gestion de revenus. Eh bien, la règle est simple. Pour les comptes que nous avons débités à l'ouverture, c'est-à-dire les comptes de l'actif, lorsqu'ils augmentent, il faut encore les débiter. S'ils diminuent, il faut les créditer. Donc, si par exemple, je vous dis que vous venez d'acheter un véhicule pour 40 000 euros, le véhicule étant d'un compte de l'actif, on mettra 40 000 du côté du débit. Parce que c'est un compte de l'actif, quand il augmente, il faut le débiter. Pour les comptes du passif, on les a crédités à l'ouverture. Quand ils augmentent, ils sont encore crédités. Quand ils diminuent, ils sont débités. D'accord ? Donc la règle est la suivante. Il faut la noter. Il y a un moment où elle va devenir un réflexe. Donc un compte de l'actif, je vais l'écrire en bas pour que ce soit plus clair. Un compte de l'actif, quand il augmente, il est débité. Quand il diminue, il est crédité. Un compte de passif, quand il augmente, il est crédité. Quand il diminue, il est débité. Au bout de deux exercices, ceci devient un réflexe. Mais les logiciels fonctionnent comme ceci. Alors, pour voir si vous avez compris, prenons un petit exemple. Donc je mets la règle, je vais la mettre à gauche des écrans. Petit exemple, on crée ensemble une entreprise au capital de 100 000 euros. Donc, création d'une société anonyme au capital de 100 000 euros. Ces 100 000 euros sont entièrement libérés. Ce que l'on appelle un capital libéré, c'est de l'argent que vous apportez ou des apports de nature. Ça veut dire que le jour du passage devant notaire, puisqu'il faut passer devant notaire pour un acte authentique, eh bien, le jour du passage devant notaire, vous avez montré que les 100 000 ont été déposés sur le compte à vue de la société. Donc, c'est du capital souscrit libéré. Libéré, ça veut dire que vous l'avez apporté à la société. Quelle est l'opération à comptabiliser? Nous avons d'un côté le compte capital, qui est un compte de passif, et nous avons de l'autre le compte à vue banque, qui est un compte de l'actif. Si on n'avait pas fait tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, vous n'auriez pas pu savoir que le capital est un compte de passif et le compte banque est un compte de l'actif. Mais une fois que vous savez ça, c'est très facile. Donc, le compte capital, on va l'ouvrir, débit, crédit, et on va ouvrir un compte banque, débit, crédit. Le capital est de 100 000. C'est un compte de passif qui augmente en le crédit de 100 000. D'accord ? puisque par définition, puisque le capital souscrit est un compte de passif, lorsqu'un compte de passif augmente, il est crédité. On met l'information à part. Nous avons versé l'argent sur le compte à vue de la société. Donc nous, actionnaires, chacun d'entre nous, en fonction des actions qu'il a souscrites, a apporté 2000 par-ci, 4000 par-là, etc. Les 100 000 sont versés sur le compte à vue. Le compte à vue est un compte de l'actif. C'est un emploi. Eh bien, un compte de l'actif qui augmente est débité. On va donc débiter le compte banque de 100 000. Deuxième opération, on va considérer que vous avez acheté un PC pour plusieurs PC pour une somme de 4000 euros. Alors, pour pouvoir passer l'écriture, vous devez évidemment imaginer les opérations. Imaginons d'ailleurs que vous ayez acheté, mettons 4 PC à 4000 euros à crédit, 30 jours fin de mois. Donc vous avez acheté 4 PC à 4000 euros, laissons de côté la TVA pour l'instant. Je la ferai intervenir plus tard et vous paierez le fournisseur plus tard. Donc, au moment où on achète les PC, nous n'avons encore rien payé au fournisseur. Quels sont les comptes qui interviennent? Il y a d'une part les PC qu'on va appeler le matériel de bureau pour 4000 et de l'autre côté le fournisseur, la dette fournisseur pour 4000. Le matériel du bureau, c'est un compte de l'actif ou du passif? C'est un emploi, c'est un actif. Le compte fournisseur, c'est un compte de passif, puisque c'est une dette. Eh bien, je vais ouvrir un compte matériel de bureau pour 4000 et je vais mettre un petit 2. Et puis, j'ouvre un compte fournisseur et je vais le créditer de 4000, opération de toujours débit à gauche, crédit à droite, débit à gauche, crédit à droite. Donc, j'ai débité le matériel de bureau parce que le matériel de bureau, c'est un actif qui augmente. Donc, l'entreprise n'avait pas de PC. Maintenant, elle a 4 PC, c'est un actif qui augmente. Elle n'a pas encore payé le fournisseur, elle a une dette commerciale vis-à-vis du fournisseur. C'est une dette commerciale, c'est un compte de passif. Un passif qui augmente est crédité. Je crédite le fournisseur de 4000. Troisième opération, vous payez au fournisseur votre dette vis-à-vis de lui ou sa créance sur lui. Donc vous payez les 4000 euros de dette commerciale. Alors, on peut faire le raisonnement comme je le fais, mais si vos comptes en T sont ouverts convenablement, il vous dicte l'écriture qu'il faut passer. Donc je vais quand même refaire le raisonnement, mais en réalité, c'est déjà beaucoup plus facile. Parce que nous avons ouvert des comptes et ça peut aller un peu plus vite. Donc, nous avons le compte fournisseur qu'on va payer. C'est un compte de passif qui diminue, il faut le débiter. Nous avons le compte à vue banque qui est un compte de l'actif qui diminue. Un compte de l'actif qui diminue doit être crédité. Donc, qu'est-ce que je vais passer comme écriture? Eh bien, le compte fournisseur, c'est un compte de passif qui diminue, il faut débuter. Je vais indiquer 4000 au début. C'est un compte de passif qui diminue. Donc, je n'ai plus de dette vis-à-vis du fournisseur et je mets un petit 3. Ayant apuré la dette vis-à-vis du fournisseur, je dois indiquer que je n'ai plus que 96 000 sur mon compte à vue. Je dois sortir les 4 000. Je dois créditer le compte banque. Alors, je sais que en disant que vous créditez le compte banque, quelque part, ça vous perturbe. Parce que votre banquier vous dit le contraire. Votre banquier a la fâcheuse habitude de vous dire que votre compte est crédité lorsque l'argent y rentre. Et il vous dit qu'il est débité lorsque l'argent en sort. Évidemment, il s'exprime par rapport à sa comptabilité et pas par rapport à votre comptabilité. Donc il a tendance à vous donner l'information inverse de celle qu'il devrait vous donner. Parce qu'il vous donne sa position vis-à-vis de votre compte. Mais en comptabilité des entreprises, le compte banque, c'est un compte de l'actif. S'il augmente, il faut le débiter, comme le compte matériel du cours. S'il diminue, il faut le créditer. D'accord ? Donc ça, c'est les comptes de l'actif et de passif. Que se passe-t-il pour les comptes de charges et de produits ? Et puis on fait une pause dans 5 minutes. Et donc, ceci, je pense que vous y êtes. Qu'est-ce qui se passe pour les comptes de charges et les comptes de produits ? Parce que si vous n'avez que les comptes de l'actif et de passif, jamais il n'y aura de bénéfices ni de pertes. Donc, à côté des actifs et des passifs, vous avez des charges et des produits. Eh bien, c'est simple, parce que pour les charges et les produits, on va les mouvementer comme les comptes de l'actif et de passif. C'est-à-dire que lorsqu'une charge augmente, il faut la débiter. Lorsqu'elle diminue, ce qui lui arrive très rarement, il faut la créditer. Lorsqu'un produit augmente, il faut le créditer. Lorsqu'il diminue, ce qui lui arrive rarement, il faut le débiter. D'accord ? Et donc, la matrice dont vous avez besoin pour ne jamais vous tromper, et ça nous permettra de revoir cela après la pause, c'est ceci. Chaque fois que vous devez passer une écriture comptable jusqu'à ce que ça devienne un réflexe, eh bien, il faut que vous indiquiez la règle suivante. Lorsqu'un actif augmente, il est débité. Lorsqu'il diminue, il est crédité. Lorsqu'un passif augmente, il est crédité. Lorsqu'il diminue, il est débité. D'accord ? Ça, c'est les comptes de l'actif et du passif. Ça, c'est pour le bilan. Et puis, nous avons le compte de résultat. Eh bien, les charges, lorsqu'elles augmentent, elles sont débitées. Lorsqu'elles diminuent, rarement elles sont créditées, comme les comptes de l'actif. Les comptes de produits, on les mouvemente comme les comptes de passif. Lorsqu'un compte de produit augmente, il est crédité. Lorsqu'il diminue, il est débité. Ça, c'est la première partie de ce que vous devez retenir. Et donc, que faut-il faire lorsque vous avez une opération? Il faut raisonner comme ceci. Vous devez, en quelque sorte, raisonner en 4 étapes. Première étape, par exemple, lorsque je vous ai dit, vous achetez des PC que vous paierez plus tard. Pour savoir ce qu'il faut passer comme écriture, il faut d'abord identifier quels sont les comptes. Donc, quels sont les comptes qu'il faut augmenter? D'accord? Quels comptes? Mouvements. Exemple, vous avez acheté des PC matériel roulant. Non, matériel de bureau, pardon. Vous avez acheté des PC, ces matériels de bureau à crédit, eh bien, on indique matériel de bureau et dette fournisseur. C'est la première étape. Deuxième étape, c'est la plus délicate pour quelqu'un, par exemple, qui débarque maintenant. Il est incapable de passer à la deuxième étape. Parce que il faut qu'il sache si le matériel du bureau est un compte de l'actif, le passif, le charge ou le produit. Si les fournisseurs sont un compte de l'actif, le passif, le charge ou le produit. S'il ne peut pas passer la deuxième étape, il ne peut pas comptabiliser. D'accord ? Si par contre, vous étiez présent lorsque j'ai expliqué les différences entre l'actif, le passif, les charges et les produits, c'est un jeu d'enfant de savoir que les comptes sont des comptes de l'actif ou de passif, de charges ou de produits. Et donc, il faut mouvementer ces comptes en indiquant ce que c'est. D'accord ? Donc, il faut affecter chaque opération, chaque compte à la partie gauche ou droite du bilan, partie gauche ou droite du compte de résultat. En l'occurrence, le matériel de bureau, c'est un compte de l'actif. Les fournisseurs sont un compte de passif. Troisième étape, il faut indiquer les flux. Quel est le compte qui augmente, quel est le compte qui diminue? Mais vous observerez que vous aurez toujours au moins deux comptes, jamais un seul. Parce que nous sommes en comptabilité en partie double, chaque fois que vous avez au moins un mouvement dans un sens, vous aurez au moins un autre mouvement dans l'autre sens pour la même somme. Donc, vous aurez toujours au moins deux comptes. Ça peut être deux comptes de l'actif, ça peut être deux comptes de passif, ça peut être un compte de l'actif et de passif, ça peut être un compte de l'actif et de produit, un compte de passif et de charge. Vous aurez toujours au moins deux comptes. Donc, il faut indiquer lequel augmente ou diminue, lequel diminue ou augmente. En l'occurrence, l'entreprise vient d'avoir 4 PC de plus. C'est un actif qui augmente. Mais en même temps, puisqu'elle n'a pas encore payé sa dette vis-à-vis des fournisseurs, elle a un compte de passif qui augmente. Quatrième étape, il faut convertir en débit et crédit. D'accord ? Donc, il faut savoir si le matériel du bureau doit être débité ou crédité, si la dette vis-à-vis des fournisseurs doit être débitée ou créditée. Donc, en quelque sorte, il faut regarder à gauche de ce tableau et vous avez les réponses. Donc, le matériel du bureau qui est un compte de l'actif qui augmente, eh bien, il doit être débité. Le compte dette vis-à-vis des fournisseurs qui est un compte de passif qui augmente, c'est un passif qui augmente, il doit être crédité. Et c'est tout. Donc, si vous avez compris ceci, eh bien, vous êtes à l'aise. Donc, on va simplement débiter le compte matériel du bureau et créditer le compte fournisseur. Ce n'est pas plus difficile que ça. Ceux qui ont signé ça pendant 4 ou 5 ou 10 séances et qui disent que c'est compliqué, c'est parce qu'ils veulent que ça reste. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Il ne faut pas que vous ayez un blocage. Restez tirage. On fait une pause.